richesse et tout le bonheur, mais ne m'abandonne pas. Oui, mon ami, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas. Là où tu dors, c'est là où je dors. Wajendela, Mokedema, Wajitalaga, Yesu. Akafunda, kabidi bambane, He became sin, who knew no sin, that we might become his righteousness. He humbled himself and carried the cross. Love so amazing, love so Messiah, Lord of all. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer child of God. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way. Comme une rosée qui a été formée dans les ténèbres de la nuit, elle a subi les intempéries du temps, mais la voilà qui crie, ce qu'elle a vu, le soleil qui se lève, et elle sait qu'avec la venue du soleil, son départ est imminent. Ô soleil, brille, brille, brille. Béguillant de la mort, Jésus t'avait vaincu à Golgotha, il m'a fait aussi vainqueur. Oui, en Jésus seul, la mort est Thank you. beauté, tu pourras seulement saisir la mort. Mais non, en Jésus seul, la mort. Tu penses que avec ton savoir, tu pourras seulement convaincre la mort. Mais non, en Jésus seul, la mort. Tu pourras seulement contre la mort. Mais non, en Jésus seul la mort.